de l'église d'Éphèse. Donc c'était une lettre remise aux messagers de cette église qui était parti auprès de l'apôtre pour, évidemment, comme je venais de dire, chercher des conseils, demander comment résoudre certaines difficultés. Donc l'apôtre écrit une lettre appropriée à l'église d'Éphèse. Éphèse, n'est-ce pas, qui était une ville, en Asie mineure, mais une ville qui était un port important à l'époque, une grande ville d'environ 400 000 personnes à l'époque où, n'est-ce pas, Jean écrit la lettre. Donc c'était une ville importante, un port, et vous connaissez comme dans tous les ports, il y a aussi les commerces qui étaient florissants, il y a aussi, n'est-ce pas, des mouvements de gens, de voyageurs, de touristes, ceux qui partent d'un pays à l'autre, ils passaient par ces ports. On pouvait dire que c'est comme notre grand port d'Anvers, n'est-ce pas? Mais ici, Éphèse était une grande ville, mais une ville aussi où il y avait de la prostitution, une ville où il y avait aussi de la débauche, une ville où il y avait aussi des pickpockets, une ville où il y avait des gens qui n'avaient pas toujours une bonne vie. Et cette église, qui était une église florissante, l'apôtre Jean, en écrivant à cette église, donne d'abord, félicite d'abord, ou encourage d'abord cette église. Les encouragements, vous pouvez le voir. Il dit, donc la lettre qu'il écrit, ce n'est pas de sa part. Il dit qu'il les rapporte. Il est le porte-parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez dans la lettre, n'est-ce pas, où on parle de celui qui a les 7 étoiles, de celui qui a les 7 chandeliers, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de l'auteur même du livre, donc de celui de propriété du message. Donc l'apôtre, en écrivant, montre ce qui ne va pas dans l'église de Phèse. Et si vous regardez au verset 2, on peut voir que l'auteur de la lettre, c'est Jésus lui-même, parce qu'il peut affirmer qu'il connaît les œuvres, donc les œuvres de cette église, les œuvres de l'église de Phèse. Donc dans les félicitations, il y a ces éléments très importants. Il montre que cette église, c'est une église qui travaille. Et qui travaille, une église donc persévérante, une église qui s'occupe de différentes activités, une église qui y a résisté aux hérésies, c'est-à-dire aux faux enseignements, une église qui y a même découvert qu'il y avait des gens qui prétendaient être des docteurs, mais qui étaient de faux prophètes, qui n'étaient pas de vrais enseignants. Donc c'est une église, on pouvait dire à notre avis, que c'est une église éveillée. Une église où les gens cherchent à vivre dans la bonne doctrine. On peut même voir que c'est une église qui vit dans la persévérance, dans l'attente du Seigneur. C'est une église où les gens sont vraiment occupés à adorer le Seigneur, à le louer. C'est une église où les gens même, où c'est une église aussi qui a souffert, n'est-ce pas, de la persécution. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui on dit liberté de culte. Mais il y avait la persécution. Donc c'est une église qui a souffert. Mais on voit, malgré tout, cette église apparemment qui est bien portante, qui est bien vivante, on voit après tout des reproches. Et les reproches, quand vous regardez, donc là, l'apôtre invite l'Église à se repentir, invite l'Église à la repentance. Et quand vous regardez même la manière dont la lettre est écrite, on dirait que ce n'est pas une lettre qui est une lettre collective, mais c'est une lettre qui est personnelle. Et c'est là même la spécificité de cette lettre à l'église d'Éphèse, c'est que c'est une lettre qui peut s'adresser, ou qui s'adresse encore à chacun d'entre nous ce matin. une lettre plus personnelle, dont l'auteur est Jésus lui-même. Mais qu'est-ce que Jésus dit à cette église? Tout simplement que l'église se souvienne là où elle est tombée. Que l'église se souvienne qu'est-ce qui ne va pas dans son sein. Et si elle se souvient, si elle fait le diagnostic, trouve la maladie, elle doit soigner cette maladie. Et cette maladie, pour qu'elle quitte, l'église doit se détourner de sa mauvaise voie pour se tourner vers Dieu ou pour se tourner pour Jésus. Et c'est comme ça, quand nous lisons au verset 5, il est dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et dans d'autres versions, on peut dire même: pratique ton premier amour, reviens sur tes pas, souviens-toi comment tu t'es converti, souviens-toi ce que tu as fait au premier jour, souviens-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu la parole et tu t'es converti. Repens-toi donc du péché que tu as commis. Reviens donc à Jésus. Retourne vers Jésus. Donc c'est là la parole que Jésus adresse à cette église d'Éphèse, après l'avoir encouragée, après avoir reconnu ce que l'église est. Mais il y a quand même des reproches. Il y a une seule chose que cette église manque. C'est le premier amour. L'amour que l'église avait. Donc pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Sinon, c'est la déchéance. Sinon, tu tombes. Sinon, tu n'as plus de place. Malgré les efforts apparents que tu fais, repens-toi. Pratique tes premiers amours. Pratique tes premières œuvres. Pratique le bien. Mes frères et mes sœurs, en lisant cette lettre, qui est vraiment une lettre dure, je me suis dit: qui d'entre nous ne souhaiterait pas recevoir de félicitations? Et je crois que c'est le vœu de tous. Ce que nous voulons dans la vie, c'est d'être encouragé, c'est d'être félicité, c'est d'être, n'est-ce pas, apprécié positivement, bien entendu. C'est de recevoir des félicitations. Pourquoi pas un peu de louange, d'honneur. C'est ce dont nous, c'est ce à laquelle nous aspirons. N'est-ce pas que j'ai aussi besoin d'être encouragé parfois? Chacun de nous a besoin de ça. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Pour cela, attention, pratique le premier amour. Pratique tes premières œuvres. Et quand vous lisez même dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur aussi de l'Épître aux Hébreux encourage le chrétien, n'est-ce pas, de pratiquer le premier amour, de ne pas se détourner de leurs ailes, leur premier amour, de persévérer dans l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et ici dans le texte, c'est le cas aussi. Bien que cette église soit une église où les gens détestent, n'est-ce pas, les mauvaises doctrines, mais quand on va plus loin aussi, au verset 6, on dit: tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai hées aussi. Donc c'est toujours dans le cadre de la félicitation, de félicitations. C'est une église qui ne tolérait pas aussi la débauche. Parce que quand on parle des œuvres de Nicolaïte, on voit un peu ici une doctrine, un enseignement qui a trait, n'est-ce pas, au libertinage des gens, n'est-ce pas, qui se donnent à la vie mondaine. Mais cette église, on ne pouvait pas dire de cela d'elle. Parce que des gens vivaient, cherchaient à vivre dans la sainteté, chercher à vivre dans la persévérance. Mais on reproche à cette église tout simplement le manque d'amour. Le manque de premier amour. Évidemment, il faisait, pendant que l'apôtre écrit, les gens étaient en train, n'est-ce pas, de vivre prétendument dans l'amour. Ils étaient là. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas suffisant. Pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de l'amour, qu'il s'agissait du zèle, le zèle pour le travail du Seigneur, qu'il s'agissait de l'attachement au Seigneur, de comment, lorsqu'ils avaient cru, quand c'était les gens de cette église, lorsqu'ils avaient cru, ils marchaient, ils ont tenu, n'est-ce pas, ils tenaient ferme, ils continuaient à combattre des mauvaises doctrines. Mais le Seigneur leur demande, souvenez-vous comment vous aviez marché lorsque vous aviez cru. Et je crois, mes frères et mes sœurs, que dans la vie, généralement, nous aimons parler de ce que nous avons vécu. Moi aussi, j'aime parler de ce que j'ai vécu. Comme mon frère qui vient de Kinshasa, j'aime dire, j'ai été aumônier à l'université de Kinshasa. J'ai été aumônier à l'IPEN. J'ai été aumônier régional. Voilà comment j'ai travaillé. J'aime souvent ça. Et chacun de vous aussi aime dire comme ça. Voilà comment nous avons travaillé. Voilà autant de tels comment nous marchions. Mais voilà autant de Jean-Pierre Van der Voort, voilà comment nous étions. Autant, je ne sais pas, de Benoît, voilà comment nous étions dans l'église. Autant, je ne sais pas de qui encore, voilà comment nous étions. Et nous aimons beaucoup ça. Et la Bible aussi nous montre cela. Il dit, oui, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais revenez à votre premier amour. Ne marchez pas autrement. Pourquoi est-ce que vous vous êtes découragé? Pourquoi est-ce que vous ne marchez pas encore comme avant? Qu'est-ce qui vous empêche de marcher comme le jour où vous avez cru? Non seulement ceux qui sont de cette église, mais vous qui venez aussi d'ailleurs, vous aimez aussi dire, oh oui, dans notre église là, il y avait ceci, il y avait ça. Mais voilà quand j'avais cru, voilà le temps là. Moi j'aime toujours me rappeler comment est-ce que quand j'étais revenu au Seigneur, comment est-ce que quand je m'étais converti, comment est-ce que, n'est-ce pas, j'ai participé au camp biblique, comment est-ce que je pouvais être sûr d'aller je ne sais pas où pour évangéliser. Mais c'est ça ce que le Seigneur demande. Il dit, toi, Chiyoyo, toi, Alexis, toi, Anaclé, toi, Marie-Jeanne, toi, Louise, et toi, Mireille, Marie, mais revenez pour votre premier amour, pour le Seigneur. Pas l'amour de la rue, mais l'amour pour le Seigneur. Les ailes que vous avez pour le Seigneur, lorsque vous avez cru. Revenez à ce que vous étiez en train de faire. Lorsque vous aviez au premier plan le Seigneur, lorsque vous leviez et vous ne pouvez que d'abord commencer par la prière, lorsque quand, pour montrer que vous êtes attaché au Seigneur, pour aller n'importe où, vous rendiez grâce au Seigneur. Mais aujourd'hui, si, parce que la lettre nous est aussi écrite aujourd'hui, pour chacun de nous, quand vous vous levez, quelle est votre première préoccupation? Quel est l'objet de votre amour lorsque vous vous levez? Lorsque vous vous levez de chez vous le matin, quel est l'objet de votre amour? Qui fait votre délice? Parce que nous disons toujours, recommande à l'Éternel, n'est-ce pas, ton sort et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si nous voulons trouver, avoir ce que notre cœur désire, la Bible, aujourd'hui, ce matin, nous dit, rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Ce n'est pas une lettre qui est écrite aux païens, non. C'est une lettre écrite à une église qui confesse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est une lettre écrite à une église vivante. Parce que vous connaissez aussi l'église d'Éphèse. Il y a une lettre que l'apôtre Paul avait adressée à l'église d'Éphèse. Quand on regarde dans cette lettre-là, on trouve que les exhortations sont de telle manière que les gens vivent en suivant le Seigneur, en ne se détournant pas du Seigneur, mais en ayant le regard fixé sur le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur demande à chacun de nous, rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Il n'est pas question de dire, je regarde à Chiyoyo. Non. Je regarde à Anaclé. Non. Je regarde aux anciens. Non. Au diacre. Non. Mais la lettre est une lettre personnelle du Seigneur Jésus à toi qui es dans cette église ce matin. Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton nom. Le Seigneur connaît tes œuvres. Le Seigneur connaît quand tu dors et quand tu t'élèves. Le Seigneur connaît quand tu marches. Le Seigneur te connaît tel que tu es. Mais d'après cette lettre de Jean à l'église d'Éphèse, ce que le Seigneur veut est que chacun de nous se rappelle d'où il est tombé. Si vous vous rappelez d'où vous êtes tombé, le Seigneur dit la deuxième chose, tu dois te repentir. Se repentir, c'est tout simplement reconnaître d'abord son tort. Et deuxièmement, confesser ses torts. Et troisièmement, promettre ou dire ou prendre une décision pour ne pas revenir sur le chemin dans lequel vous avez marché jusque-là. C'est ça la repentance. C'est tout simplement revenir. Les autres disent, il faut faire un demi-tour. Parce que, de l'hébreu, il y a un mot, tout simplement, un petit mot qu'on appelle, un verbe qu'on appelle chouv. Ça veut dire retourner. Vous marchez, vous partez dans cette direction-là. Vous vous rendez compte que c'est une fausse direction. Vous revenez sur vos pas pour vous engager sur la bonne direction. Et cette bonne direction, c'est le retour à Jésus-Christ. Cette bonne direction est conditionné par le fait, par le choix, par votre décision. Si vous dites, je me repens de mon péché, je me repens de mon découragement, je veux me détourner maintenant de tout ce qui m'a empêché jusque-là, jusqu'à présent, de continuer à regarder au Seigneur, de continuer à compter sur le Seigneur. Je reviens au Seigneur dans ce domaine précis. Parce que c'est vrai, mon frère et ma soeur, vous pouvez être toujours dans l'église. Vous pouvez être toujours à toutes les réunions d'église. Mais si votre cœur n'est pas au Seigneur, si le Seigneur n'est pas, n'est-ce pas, l'objet de votre amour, l'objet de tout ce que vous faites, alors tout ce que vous faites, c'est en vain. Ce que le Seigneur veut et que chacun de nous, n'est-ce pas, l'accepte. Non seulement l'accepte, mais pour ceux qui sont à lui, que chacun de nous fasse un examen pour voir qu'est-ce qui m'empêche vraiment de servir le Seigneur comme il se doit. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre comme au jour où j'avais cru, comme le premier jour, comme le temps passé. Lorsque le Seigneur était l'objet de ma préoccupation, l'objet de mes pensées. Donc, mes frères et mes sœurs, on voit que dans cette lettre, il y a des félicitations à l'église d'Éphèse, mais il y a aussi, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des menaces, il y a aussi des avertissements. Le Seigneur dit, si vous ne changez pas, alors ça n'est fini pour vous. Mais lorsqu'on regarde dans la lettre, nous voyons aussi que c'est une lettre où il y a la promesse. Il n'y a pas que de menaces, il n'y a pas que de félicitations, mais le Seigneur donne aussi une promesse. La promesse, le Seigneur dit ceci, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc c'est une promesse. Une promesse donc pour tout celui qui croit. pour celui qui a cru, pour celui qui se repent de ses péchés et qui s'attache à Jésus-Christ. La promesse est de vivre éternellement en présence du Seigneur. Ce que j'ai dit peut paraître, n'est-ce pas, ridicule aux yeux de ceux qui croient qu'après la mort, leur mort, c'est fini, ça n'est fini. Si on le brûle ou bien si on l'enterre, il va pourrir tout simplement et rien d'autre. Mais la parole de Dieu nous donne ici le sujet d'espérer. Il y a l'espérance qui est attachée à Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a fait la démonstration de la résurrection d'entre les morts. Donc tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi d'entre les morts. Donc la promesse ici, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui tiendra ferme. C'est lui qui s'attache à Jésus jusqu'au bout, qui s'attachera à Jésus jusqu'au bout, sans se détourner, n'est-ce pas, de sa foi, de la foi en Jésus, héritera, n'est-ce pas, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, vivra éternellement avec Dieu. Ici, c'est décrit d'une manière métaphorique en disant, n'est-ce pas, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous comprenez? Ici, on nous remet au livre de Genèse, n'est-ce pas? Au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, où on voit l'homme au commencement, l'homme qui est dans le paradis, la place que Dieu avait préparée, le jardin d'Éden, où il y avait tout, n'est-ce pas? C'est donc l'auteur Jean nous ramène à cet état, premier état, donc à la création, pour dire, celui qui vaincra, tout simplement, vivra en présence de Dieu. Et cela, ce n'est pas pour peu de temps, mais vivra en présence de Dieu éternellement. Donc ce matin, mes frères et mes sœurs, il y a aussi, en lisant cette lettre, je ne voudrais pas rester seulement à ce niveau, mais il y a quand même ce que nous devons faire ici et maintenant. Pour vous qui êtes chrétiens, vous qui avez cru, le Seigneur dit, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas continuer comme au premier jour? Lorsque vous avez cru, vous étiez prêt à vous donner pour moi. Si une persécution surgissait à cette époque-là, vous pouviez être prêt à vous donner pour dire, je vais mourir à cause du nom de Jésus. Mais aujourd'hui, concrètement, pour le travail du Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Le premier amour, vous étiez prêt à évangéliser. Vous n'aviez pas peur qu'on sache que vous êtes chrétien. Vous pouviez le faire. Vous pouvez, partout où vous passez, vous pouvez vous dire, vous êtes chrétien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu tiède? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu froid? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez plus dire aux autres, à vos amis, que vous êtes chrétien, chrétienne? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous ne pouvez plus prendre un traité, donc un dépliant, pour le déposer quelque part, pour donner à un ami, tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez absent des études bibliques, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous absentiez, n'est-ce pas, de l'intercession? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes membre, n'est-ce pas, de la chorale, vous faites partie de la chorale, mais vous ne chantez plus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le groupe de louanges, mais vous ne participez pas, ou vous participez moins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous puissions nous cacher? Si nous voulons recevoir des félicitations, nous devons toujours continuer dans la voie que nous nous sommes choisis, la voie du Seigneur. Nous devons revenir à Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Revenir à Jésus. Dire, c'est vrai, il y a eu dans ma vie le relâchement. Il y a eu dans ma vie, n'est-ce pas, certaines choses. Mais maintenant, je reviens à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Par ton esprit, aide-moi parce que tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Il faut dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Il faut demander au Seigneur cette grâce. Dire, Seigneur, aide-moi. Par moi-même, je ne peux rien. Mais par ton esprit, je peux. Je peux encore te servir. La lettre nous a montré que le Seigneur connaît tout homme, connaît toute personne, te connaît tel que tu es. Le Seigneur connaît que tu es fort. Le Seigneur connaît aussi que tu es faible. Si vous continuez la lecture de cette lettre à ces églises, vous verrez cela. À chaque église, il y a une reproche spécifique. Mais à l'église d'Éphèse, c'est tout simplement de pratiquer le premier amour. Ce matin, mon frère et ma sœur, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts à faire le pas? À revenir au Seigneur? À revenir, si je reprenais les paroles, n'est-ce pas? Si je paraphrasais le prophète Jérémie, je pouvais dire, êtes-vous prêts à revenir sur les anciens sentiers? Le sentier de Dieu, le sentier de joie, le sentier de la lumière, le sentier, n'est-ce pas, où on aime la parole de Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur aujourd'hui? Et c'est ça la dernière question. Où en êtes-vous avec le Seigneur? Où êtes-vous tombé? Voulez-vous vous repentir et revenir au Seigneur pour sa gloire? Mais si vous n'avez pas encore reçu ce Seigneur, le message, c'est que le Seigneur vous invite aussi à vous détourner de votre mauvaise voie et de revenir à lui, de vous donner à lui, de donner votre cœur à lui, de vous attacher à ce Seigneur. Et il vous acceptera. Parce que le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Alléluia. Merci pour la parole, monsieur pasteur.